transformer selon le modèle. Ouvre cette lettre. Ouvre-la. Mets ta veste. Mets-la. Range ces livres. Range-les. Prends du sucre. Prends-en. Va à la boulangerie. Vas-y. Téléphone à ton père. Téléphone-lui.